Commencez simplement à fixer un point, peu importe lequel, à le regarder avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et puis à un moment, votre esprit inconscient va mettre en place cet état hypnotique qu'on appelle la transe. Les yeux se fermeront, ça arrivera peut-être au chiffre 5 ou au chiffre 1 progressivement. Ça n'a pas d'importance, mais cette capacité que vous observerez à entrer de plus en plus rapidement et profondément vous-même va se développer toujours davantage. Et c'est l'intérêt de la répétition jusqu'au moment où vous serez capable de faire de l'auto-hypnose. Et surtout, vous allez sentir une sorte de contact avec vous-même et d'élasticité, de plasticité en quelque sorte. Une facilité à travailler sur soi qui va se développer. Vous allez, je vais utiliser le mot, vous décoincer. Quelque chose va devenir plus fluide en vous. Alors, pour faire de l'hypnose, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'écouter. À certains moments, certains mots vont vous échapper. C'est normal, des phrases entières peut-être. Et puis ensuite, les yeux se fermeront, vous serez en transe. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. L'hypnose est un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour ça que ma voix va se préciser et se précise déjà en vous de plus en plus. C'est pour ça que les bruits extérieurs, au fur et à mesure, pourront s'effacer pour laisser la place à l'inconscient qui va créer cette rêverie hypnotique, à ma voix aussi qui va devenir de plus en plus présente, vivante en vous, agissante. Et vous pouvez déjà l'observer, ce processus d'intériorisation typique de la transe. Vous le voyez tout simplement au travers de la respiration. Observez, elle est déjà un cran plus lente, un cran plus régulière. Et puis ce sont les sensations du corps qui se précisent partout où l'attention se porte, évidemment. Alors ça peut être le contact de l'air, par exemple, contre le visage, contre les mains. Et le seul effort conscient, le dernier d'ailleurs que je vais vous demander, c'est de prendre deux inspirations profondes pour donner une sorte d'élan de douceur, comme ça. Et après, vous laissez votre respiration, cette respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, se retrouvent, forment d'autres formes, tout simplement, vous entrez un peu plus dans cet état différent et vous l'observez avec cette respiration qui devient plus lente, plus calme, plus régulière. Mais aussi, sentez ce passage de l'air par les narines, dans la trachée, dans les poumons, les alvéoles pulmonaires. C'est comme des racines de calme qui s'ancrent dans les poumons pour vous détendre de plus en plus. Et si vous connaissez déjà ces hypnoses, elles vont plus loin et déjà vous guident, ou plutôt guident votre inconscient vers la transe. Mais c'est lui qui a la main, c'est lui qui guide. Et c'est pour ça que sans faire d'effort, le corps se détend de plus en plus pour entrer dans une transe de plus en plus profonde, douce, calme. 4. Et d'autres sensations s'installent, observables, amenées par l'inconscient simplement. C'est le poids de la respiration un peu plus lente, un peu plus régulière. Mais aussi le poids des bras, le poids des jambes, le poids du torse. Comme si tout le corps était plus lourd, plus engourdi, plus immobile, pour laisser l'esprit lui s'alléger dans une transe légère et douce, alors que le corps, lui, grâce grâce à cet esprit qui largue les amarres, lâche le lest de la pensée consciente. Le corps, lui, s'alourdit dans une transe de plus en plus profonde et agréable. Alors voyageons en pensée, le corps lourdement posé sur le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble, ces fondations solidement ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers et l'univers solidement ancré dans le temps, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme et douce, profonde, tranquille. 3. Et cette histoire autour du rêve, du sommeil, comme toujours avec l'hypnose, les deux états se ressemblent tant, sans pourtant être, eh bien, le même état. Le sommeil hypnotique ressemble au sommeil de la nuit, et c'est pour cela qu'il vous sera facile de dormir si vous le souhaitez. Ou bien vous arrêterez la séance avant pour juste profiter du travail inconscient. Alors c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous les dormeurs dormants, rêveurs, rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus profondément en transe. Car parmi ces dormeurs endormis, ces rêveurs rêvant des rêves rêvés, chacun en son rythme, chacun dans sa perception de lui-même, avait tendance à entrer plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Les yeux fermés, maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans une transe agréable, et ma voix et votre respiration, tout cela va vous permettre d'entrer plus en transe. Le temps aussi et l'habitude de la répétition qui facilitera ce travail intérieur et ce chemin aussi vers l'intériorité. Alors pendant que vos pensées s'accrochent, se décrochent et que se joignent et se disjoignent tant les pensées conscientes qu'inconscientes et cette fine frontière de la pensée préconsciente et quel que soit les états du moi, en quelque sorte ces parties de notre être, toujours mouvantes, qui représentent autant de facettes comme une sorte de réalité holographique, inépuisable, qui change en fonction du regard que l'on porte, en fonction de l'émotion, du temps, de l'environnement, du chemin intérieur. Et pourtant au centre de tout cela, un noyau essentiel, le moi, l'ego, ce que nous sommes. Et ce travail hypnotique, alors que vous entrez de plus en plus en transe, va vous guider de plus en plus vers ce un essentiel en vous. En vous va se créer le cap, la direction, et vous apprendrez à vous en écarter de moins en moins, tout en gardant la fabuleuse richesse et l'infinie liberté de votre esprit. Alors, j'aimerais simplement maintenant que pour vous, l'inconscient crée le plus beau des déserts. un désert à la tombée de la nuit. À ce moment magique où les premières étoiles apparaissent, là-bas comme ailleurs, Vénus, l'étoile du berger, puis d'autres étoiles, puis évidemment la Voie lactée, dans ce lieu où, en quelque sorte, Gaïa semble embrasser, eh bien, le ciel, où il n'y a aucune limite, où l'horizon semble se trouver à l'infini, dans ce lieu merveilleux où l'esprit se sent apaisé et où même l'athée le plus endurci se surprend à méditer et à voir dans le monde une beauté qui le touche. Dans ce lieu incroyable fait pour se retrouver en soi-même, avec soi-même, dans ce lieu dont les dunes forment des vagues et qui est, pour celui qui sait le voir, pour celui qui perçoit dans la contemplation cette sensation océanique, eh bien, l'océan de tous les possibles. Il y a une beauté, il y a un vrai silence dans le désert, et c'est le lieu de tous les changements. Et on le retrouve, par exemple, même dans la Bible, avec la traversée du désert, les 40 jours au désert, et puis tous ces exemples de saints, d'ermites, dans les religions du livre comme dans les autres religions, qui vont au désert pour converser avec quelque chose de supérieur. Pour certains, il s'agit de, non pas capturer, mais percevoir quelque chose de divin, et pour d'autres, c'est simplement percevoir quelque chose en soi. Quelque chose qui peut se permettre dans le désert simplement de murmurer et non pas de crier avec des sentiments violents comme d'habitude pour se faire entendre. Non, le murmure suffit et tout conspire à l'intériorité, à la paix. Alors je ne sais pas quelles sensations vont se mettre en premier. Est-ce que c'est cette drôle de lumière entre chien et loup, entre chien et chacal, on devrait dire, dans le désert, ou cette obscure clarté, pour reprendre les mots du poète, qui tombe des étoiles, ou peut-être la beauté du sable, jamais parfaitement jaune, parfois un peu rosé, orange, cuivre. Peut-être le vent qui caresse les formes douces du désert et emporte avec lui un fin courant de sable, comme une écume, mais pour le désert. Pour d'autres, ce sera le sentiment de silence et de paix profond. Quelque chose finalement de très physique, une émotion, un sentiment océanique, une contemplation, une liberté, une respiration plus ample, comme si les poumons pouvaient s'emplir du monde entier, comme si la respiration à chaque mouvement devenait l'expression évidente d'une liberté totale et d'une joie, une joie à être au monde, présent. Alors j'aimerais que vous vous perdiez agréablement dans ce désert, parce que, de la même manière que pour découvrir une ville, il faut s'y perdre. De De la même manière aussi que dans une vie, tout comme dans une ville, il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Et ce n'est pas un paradoxe. Eh bien, c'est en vous perdant dans ce désert que vous allez bientôt trouver la plus merveilleuse des oasis, celle de votre changement intérieur, celle de la guérison de l'inconscient. Alors, il n'y a pas d'effort à faire, il suffit de laisser ce désert se construire devant vos yeux, de l'entendre, de le ressentir, de laisser l'inconscient créer pour vous le plus merveilleux des déserts, un lieu, un symbole ici dans l'hypnose, tout est symbole, pour vous permettre de vous retrouver vous-même, tout en perdant, et c'est très bien, loin, très loin, les soucis du quotidien, les pensées d'autrefois. À un moment, si vous regardez bien, vous trouverez un chemin, peut-être en haut d'une dune. Ce qui a créé ce chemin, je ne le sais pas. Peut-être d'autres personnes cherchant dans le désert à se rencontrer elles-mêmes. Peut-être des caravanes. Peut-être le souvenir d'une civilisation ancienne, d'un chemin qui serait loin, loin sous le sable et qu'on percevrait comme ça, malgré tout. Peut-être simplement votre cœur, votre esprit inconscient qui vous fait percevoir ce chemin et le suivre, ça n'a pas d'importance. Et à un moment magnifique, éternel, puissante, se dresseront devant vous des montagnes très, très hautes. Sachez qu'au centre de ces montagnes qui forment comme une sorte de barrière, il y a une oasis. Et dans cette oasis, un lac. Et dans ce lac, une eau merveilleuse, aux pouvoirs étonnants. C'est elle que tout le monde recherche. Et tous ceux qui cherchent autre chose, un trésor, des biens matériels, ne la trouvent jamais, cette eau merveilleuse. Seuls la trouvent ceux qui osent se perdre. Seuls la trouvent ceux qui veulent se rencontrer vraiment eux-mêmes, sincèrement. Et c'est votre cas. Et c'est là que vous avancez. Longez encore quelques instants ces montagnes. À un moment, vous trouverez comme une sorte de passage assez étroit. Suivez-le avec confiance. Il vous mènera à une sorte de porte. Difficile de dire à quoi elle ressemble. Peut-être à Petra, peut-être. Comme ça, ces ruines, ces cités anciennes que l'on trouve dans le désert. Mais cela n'a pas d'importance. Car ici, encore une fois, tout est symbole. Et c'est simplement un lieu de passage. Le passage du temps de la conscience au temps de l'inconscient. Du temps du réel au temps du rêve. Alors franchissez cette porte et rentrez dans la plus belle caverne qui soit. Elle va vous faire traverser la montagne. J'ai en moi, quand je pense à elle, les souvenirs des mille et une nuits, de Simbad, les souvenirs de grottes, pavées de pierres précieuses. peut-être des stalactites et des stalagmites de quartz, peut-être des roches transparentes, peut-être une roche luminescente, peut-être une rivière qui chemine à l'intérieur de cette grotte, peut-être des animaux merveilleux, de la mousse sur les murs. Ici, dans l'inconscient, dans l'hypnose, c'est le lieu de la liberté. Et donc cette grotte, ce passage, comme bientôt cette oasis, tout cela n'appartient qu'à vous. Et ne soyez pas étonnés s'il se précise toujours davantage, chaque soir, chaque nuit, à mesure que vous pratiquez cette hypnose, ne vous étonnez pas aussi si la vision, l'expérience s'enrichit également, et parfois diffère simplement parce que votre envie et vos besoins changent. Et traversez simplement cette caverne, c'est très bien. Vous sentez qu'on arrive à un autre temps, à un autre espace, que votre corps et votre esprit vont aller encore plus loin dans la transe, et que quelque chose de précieux va arriver. Prenez le temps de vous habituer à la lumière, à la vue de cette oasis alors que vous sortez de la caverne, et que, à l'instar du mythe de Platon, alors que la caverne vous avait caché les choses du monde, et cela exprès pour que vous puissiez les oublier, vous oubliez vous-même, ou oublier ce que vous savez de vous-même, ou croyez savoir, eh bien, la lumière, non pas une lumière éblouissante, mais une lumière de vérité, de beauté, saisissante, offre à votre vue cette oasis. Ce que je sais, c'est qu'au centre se trouve facilement accessible ce lac dont je vous ai parlé. Je ne sais pas s'il est grand, s'il est petit. Je ne sais pas. Je ne connais pas la nature qui l'entoure. Y a-t-il des palmiers? Des oiseaux fabuleux, aux couleurs de l'arc-en-ciel. À quoi ressemble cette eau? Est-elle chatoyante? À quoi ressemble la lumière? Cette lumière qui filtre à travers la végétation? Et puis surtout, à quoi ressemble la magie de ce lieu? De quelle manière la ressentez-vous? Laissez l'hypnose et cette oasis se créer en vous, tout simplement. C'est si facile. Et encore une fois, de séance en séance, vous pourrez être surpris par tout ce qui se crée en vous de merveilleux, de précieux. Et si l'eau et ses vertus magiques sont le lieu symbolique du changement, il a commencé dès le début de cette hypnose. Alors, prenez simplement le temps d'entrer dans l'eau, de ressentir cette eau, sa fraîcheur, sa douceur, la paix qui s'en dégage. Et ce n'est pas étonnant si, dans la plupart des religions, il y a des rituels d'ablution. On associe à l'eau un pouvoir de purification, Alors cette eau a peut-être aussi cette vertu pour vous, non pas une vertu religieuse, ésotérique ou spirituelle, mais simplement, eh bien, d'apaiser en vous les tensions, de laisser l'inutile se dissoudre dans ces eaux bienveillantes. Et observez de la même manière que vous ressentez l'eau, ressentez à quel point cette eau aussi semble vous ressentir. Et à la surface de cette eau, paisible, douce, rassurante, comme une présence presque lumineuse, sereine. Le symbole de ce qu'est votre inconscient, de ce qui en vous fait tout pour que vous puissiez être bien et heureux, même si parfois cela est maladroit. Ici, vous êtes au centre de vous-même, dans le lieu de tous les changements. Alors, comme dans ces boules de cristal, comme dans ses livres et ses dessins animés, laissez apparaître sur l'eau une image sortie de votre inconscient, un film peut-être presque. Vous pouvez être surpris par cette image. Elle peut vous sembler très importante ou assez banale, très signifiante. Ou plus cryptique, c'est peut-être un souvenir, c'est peut-être une projection d'un futur que vous espérez, c'est peut-être une rêverie. Ces eaux, eh bien, ont de mystérieuses façons de s'exprimer, de parler à vous-même. Mais c'est toujours quelque chose d'utile. Alors, simplement, laissez-vous traverser par ces images. Sentez de quelle manière leur perception, leur ressenti, tant visuel que physique, et peut-être même les sons, tout cela vous traverse, vous transforme, vous apaise. Et quelque chose se joue en vous de l'ordre, de l'acceptation, une compréhension intérieure si profonde qu'elle n'aura peut-être même pas besoin de s'exprimer consciemment. Et puis, eh bien, tout simplement, exprimez votre liberté. Là, vous êtes le maître de ces eaux, le maître de votre destin, des pensées. Vous choisissez votre cap, non pas le détail de votre futur, mais sa direction générale. Et dans votre liberté, et si vous savez manœuvrer avec les vents, vous irez vers ce cap. Et ici, vous allez gagner du temps. Si quelque chose vous touche, vous importe, laissez-le s'installer davantage en vous. Si quelque chose vous semble moins agréable, moins nécessaire, utile, bénéfique, eh bien, comme on peut arracher une nappe d'un coup et la jeter, arrachez l'image à la surface de l'eau et laissez-la se dissoudre dans l'air, se dissoudre dans la lumière, et sentez la légèreté gagner. Et dans ces images, un peu comme un magicien, ajoutez-y les ingrédients, les personnages que vous voulez voir apparaître. Les animaux, peut-être, les émotions, le sens. Changez faites évoluer. Et vous sentirez que vous allez dans la bonne direction en cela que plus vous vous approcherez de votre vérité intérieure et plus vous vous sentirez paisible, serein, dans une évidence de vérité intérieure, ô combien précieux. Et vous allez pouvoir continuez aussi longtemps que vous le souhaitez ce processus. Revenir à cet endroit. Explorer encore davantage ce lieu. Peut-être y trouverez-vous des instruments anciens, d'anciennes architectures, qui vous permettront de comprendre le sens de cet endroit. Des outils. Vraiment, littéralement des outils pour travailler sur vous-même, sur les images, à la surface de l'eau. Votre inconscient est infini, votre créativité et les chemins nourris de l'imaginaire sont eux aussi infinis pour vous mener à bon port. À partir de là, si vous souhaitez compter de 1 à 5 pour sortir de transe, vous le pouvez, bien sûr. Mais si vous souhaitez continuer ce cheminement intérieur, eh bien, laissez-vous porter par ma voix. Continuez simplement à vous baigner dans ces eaux, à jouer avec sa magie. Oh, c'est plus qu'un jeu, puisque c'est l'essence de vous-même qui s'y trouve. Ou bien, arpenter cette oasis. Trouver d'autres cavernes, trouver d'autres secrets. Il y a déjà beaucoup de magie à simplement retrouver celle de l'enfance. Elle est toujours en vous. Il y a beaucoup de magie à laisser son imagination créer de merveilleuses aventures intérieures. Il y a beaucoup de magie dans la simple contemplation. Et tout cela, vous allez pouvoir le découvrir de plus en plus, en profiter toujours davantage. Et c'est merveilleux. Ma voix, elle, à partir de maintenant, va commencer à se retirer, se taire parfois, puis s'éteindre complètement. Mais c'est pour mieux vous laissez gagner par le sommeil de la nuit, pour que des silences de ma voix comme une terre fertile naissent de nouvelles plantes, celles de votre imagination, de nouvelles beautés, de nouveaux sens, de nouveaux chemins, de nouvelles images, de nouvelles sagesses, de nouvelles possibilités. Alors oui, ma voix ne sera plus là que, à partir de maintenant, pour inviter votre corps déjà endormi, la respiration lente et lourde, à s'endormir davantage, et accompagner vers la transe toujours aussi plus loin, l'inconscient, et vous l'observez. Un peu comme si ma voix faisait maintenant partie du paysage. Comme si elle devenait le vent dans les arbres. Le décor. Elle n'est là que pour vous. Pour vous accompagner toujours plus en vous-même. Tout en laissant l'inconscient créer en parfaite autonomie les symboles initiatiques de votre changement, toujours plus en transe. Le corps s'endort, l'esprit conscient s'endort. Le sommeil hypnotique déjà installé en vous et progressivement s'installe le sommeil de la nuit.